L'hélas, dit-elle sitôt qu'elle me vit, je ne fais plus rien de la journée. Demain, il fera jour. Allons au pays, allons nous promener. Elle mit sa mantille devant son nez et nous voilà dans la rue, sans savoir où j'allais. Mademoiselle, lui dis-je, je crois que j'ai à vous remercier d'un présent que vous m'avez envoyé quand j'étais en prison. J'ai mangé le pain. La lime me servira pour affiner ma lance. Et je la garde comme souvenir de vous. Mais l'argent, le voilà. Tiens, il a gardé l'argent, s'écria-t-elle en éclatant de rire. Au reste, tant mieux, car je ne suis guère en fond. Mais qu'importe, chien qui chemine ne meurt pas de famine. Allons, mangeons tout, tu me régales. Nous avions repris le chemin de Séville. À l'entrée de la rue du Serpent, elle acheta une douzaine d'oranges qu'elle me fit mettre dans mon mouchoir. Un peu plus loin, elle acheta encore du pain, du saucisson, une bouteille de manzanille. Puis enfin, elle entra chez un confiseur. Là, elle jeta sur le comptoir la pièce d'or que je lui avais rendue, une autre encore qu'elle avait dans sa poche, avec quelque argent blanc. Enfin, elle me demanda tout ce que j'avais. Je n'avais qu'une piécette et quelques cuartos, que je lui donnai, fort honteux de n'avoir pas davantage. Je crus qu'elle voulait emporter toute la boutique. Elle prit tout ce qu'il y avait de plus beau et de plus cher. Yemas, jaune d'œuf sucré, toulon, espèce de nougat, fruits confits, tant que l'argent dura. Tout cela, il fallut encore que je le portasse dans des sacs de papier. Vous connaissez peut-être la rue du Candilero, où il y a une tête du roi Dom Pedro, le justicier. Elle aurait dû m'inspirer des réflexions. Nous nous arrêtâmes, dans cette rue-là, devant une vieille maison. Elle entra dans l'allée et frappa au rez-de-chaussée. Une bohémienne, vraie servante de Satan, vint nous ouvrir. Carmen lui dit quelques mots, en romani. La vieille grogna d'abord. Pour l'apaiser, Carmen lui donna deux oranges et une poignée de bonbons et lui permit de goûter au vin. Puis, elle mit sa mante sur le dos et la conduisit à la porte qu'elle ferma avec la barre de bois. Dès que nous fûmes seuls, elle se mit à danser et à rire comme une folle en chantant « Tu es mon Rome, je suis ta Romy, mari, femme. » Moi, j'étais au milieu de la chambre, chargé de toutes ses emplettes, ne sachant où les poser. Elle jeta tout par terre et me sauta au cou en me disant « Je paie mes dettes, je paie mes dettes. C'est la loi des Calais, des Gitans. » Ah, monsieur, cette journée-là, quand j'y pense, j'oublie celle de demain. » Le bandit se tut un instant. Puis, après avoir rallumé son cigare, il reprit. « Nous passâmes ensemble toute la journée, mangeant, buvant. Et le reste, quand elle eut mangé des bonbons comme une enfant de 6 ans, elle en fourra des poignées dans la jarre d'eau de la vieille. « C'est pour lui faire du sorbet, » disait-elle. Elle écrasait des yémas en les lançant contre la muraille. « C'est pour que les mouches nous laissent tranquilles, » disait-elle. Il n'y a pas de tour ni une bêtise qu'elle ne fit. Je lui dis que je voudrais la voir danser. Mais où trouver des castagnettes? Aussitôt, elle prend la seule assiette de la vieille, la casse en morceaux, et la voilà, qui danse la romalie en faisant claquer les morceaux de faïence aussi bien que si elle avait eu des castagnettes, d'ébène ou d'ivoire. On ne s'ennuyait pas auprès de cette fille-là, je vous en réponds. Le soir vint, et j'entendis les tambours qui battaient la retraite. « Il faut que j'aille au quartier pour l'appel, » lui dis-je. « Au quartier ? » dit-elle d'un air de mépris. « Tu es donc un nègre pour te laisser mener à la baguette. Tu es un vrai canari, d'habit et de caractère. Bah, tu as un cœur de poulet. » Je restai, résigné d'avance à la salle de police. Le matin, ce fut elle qui parla la première de nous séparer. « Écoute, Joséito, » dit-elle, « t'ai-je payé ? D'après notre loi, je ne te devais rien, puisque tu es un païlo, un non bohémien. Mais tu es un joli garçon, et tu m'as plu. Nous sommes quittes, bonjour. » Je lui demandai quand je la reverrai. « Quand tu seras moigné, » répondit-elle en riant. Puis d'un ton plus sérieux, « Sais-tu, mon fils, que je crois que je t'aime un peu ? Mais cela ne peut durer. Chien et loup ne font pas longtemps bon ménage. Peut-être que si tu prenais la loi d'Égypte, celle des bohémiens, j'aimerais à devenir ta Romy. Mais ce sont des bêtises, cela ne se peut pas. Bah, mon garçon, crois-moi, tu en es quitte à bon compte. Tu rencontres le diable, oui, le diable. Il n'est pas toujours noir, il ne t'a pas tordu le cou. Je suis habillé de laine, mais je ne suis pas mouton. Va mettre un cierge devant ta Majari, la Sainte Vierge. Elle l'a bien gagné. Allons, adieu encore une fois. Ne pense plus à Carmencita, ou elle te ferait épouser une veuve à jambes de bois. La potence.